Hey boy! Attends, je vais me mettre mode avion. Ça, c'est bon. Je suis mort de rire. Ben oui. Moi, j'essaye de voler les 24 juin, d'habitude. Là, c'est rare. Oui. D'habitude, je suis pas à Montréal le 24, moi. Mm-hmm. D'habitude, je suis à... Le 24 juin, je suis en avion. Ah, OK. Oui, c'est ça. Oui, je suis en avion. On parle du Oui, d'habitude, je suis à Budapest. C'est des places comme ça. Ah oui, ouais. Pour la Saint-Jean-Baptiste, tu vas fêter ça ailleurs. Oui. Ah oui. Oui, je trouve ça plus... Les gens sont charmants, les gens me reçoivent. Mm. Fait que je... Mais là, aujourd'hui, t'es... Ben là, aujourd'hui, t'es resté à Montréal. Ouais, ça me tentait. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Alors que le Québec est en liesse et célèbre sa fête nationale, le calme règne dans ce douillet quartier montréalais. Au bout de la ruelle, quatre companeros apparaissent. Ils sont vêtus d'étonnants costumes blancs. Attirés par leur musique qui rappelle le flamboyant soleil du Mexique, Anne et Marc sortent sur le balcon. Interlude d'une Saint-Jean-Baptiste revue et corrigée. Todos los bailes no puede faltar. Es amigo mío que les voy a presentar. A todas las chicas las ha convertido, las ha convencido con su forma de bailar. A todas las chicas no quieren bailar. Están esperando a Sergio el bailador. Porque tiene gracia para moverlas el señor. Y a ella les gusta cómo las mueve. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó Sergio el bailador. Y llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador. C'est merveilleux. Il n'y a pas une Saint-Jean sans c'est mariachi. Pas possible sans mariachi. Non. Une vraie Saint-Jean, c'est impossible. Hey, bonjour. D'abord, merci. Vous faites les rues de Montréal. Vous vous promenez un peu partout la journée de la Saint-Jean, puis vous faites de nouveaux amis, dont nous. C'est drôle, mais oui, on le fait. Mais c'est Mais tu sais qu'on se connaît, nous. Nous, oui, on se connaît. Ah bon? Parce que... c'est quoi ton prénom? Rappelle-moi Juan. Ton prénom. Juan. Juan. Alors... Non, on s'est connus... Juan Carlos. Ah oui. On s'est connus il y a une vingtaine d'années à peu près à Saint-Lambert, où on travaillait ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez? On faisait des terrains. Ah, ouais. On faisait des terrains ensemble, on réparait les terrains, les allées, l'asphalte. Je pensais que tu allais me dire que tu te prenais pour un mariachi. Mais non, ouais, j'oserais jamais. Mais on se connaît il y a 20 ans. Ben voyons puis, donc, tu parles d'une affaire. Oui, toutes les Saint-Jean se retrouvent. Ah oui? Oui, oui. Puis vous mariachiez depuis... depuis combien de temps? Ça fait 44 ans. Ça fait 44 ans. En fait, c'est mon grand-père. Oui, était à l'Expo 67. OK. Oh, peut-être que j'ai rencontré. Ouais. J'étais allée, moi, à l'Expo 67. J'avais mon passeport, il était rouge. Mm-hmm. Et j'étais partie de Noranda pour aller à l'Expo 67, une semaine avec mes parents. Une semaine. Oui, et je me souviens vaguement du pavillon du Mexique, mais peut-être que j'ai rencontré votre grand-père, puis je le sais pas. Sûrement que vous l'avez vu. Mais lui, donc, il était parti du Mexique pour... Précisément pour l'Expo 67. Ils ont été engagés pour le pavillon du Mexique à l'Expo 67. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté à Montréal après? Il est retourné au Mexique après son contrat pour l'Expo. Mm. Puis dans la même année, il est revenu avec un autre groupe. Puis de là jusqu'en 73, ils ont commencé à ramener une partie de la famille. Surtout les musiciens. Mais vous êtes né ici? Moi, je suis né ici, oui. Mais voyons. Comme nous, on est là de moi, mon frère, puis il y en a d'autres dans la famille, on est plusieurs. On est la troisième génération qui faisons encore la musique mariachi ici. Puis les costumes que vous avez, c'est formidable. C'est formidable. Hey, c'est vrai. Non, mais souvent, les mariachis... D'ailleurs, d'où ça vient, ce mot-là? C'est mariage ou c'est... Il y a deux versions. Il y a une version qui dit que ça vient du mot mariage parce que il y avait beaucoup de mariages qui engageaient des musiciens mariachi. Fait que ça vient de là, une version. Il y a une autre version qui dit que ça vient d'un mot... de la langue aztèque, des langues anciennes. Puis Oro Blanco, ça c'est l'ensemble, c'est le nom de votre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, Oro Blanco? Ben, notre nom, ça partit, c'est l'or blanc, mais ça partit, on cherchait un nom. Oro Blanco. Et on habite ici, alors on voit de la neige à longueur d'année. Oh. Le froid, fait qu'on est tombé l'or blanc. Pour nous, c'est l'or blanc. Ah, c'est l'or blanc, c'est magnifique. C'est joli. Puis vous avez l'air de ça en plus. C'est magnifique, vous êtes magnifique, vraiment. Puis, c'est ça, un 24 juin sans mariachi, c'est pas un vrai 24 juin. Ben non, surtout qu'on parle de tradition et... Tu savais que le Haut-Canada, ça a été composé pour un 24 juin, la première fois que ça a été... Ça, j'ai appris ça cette semaine. Ouais. Ça, je ne le savais pas. Ouais. Ça a été fait pour un 24 juin en 1800, quelque chose, là, je ne sais plus trop. Oui, 180, je pense. Par Calixa-Lavallée, qui avait composé la musique, qui se promenait un peu partout, hein, Calixa-Lavallée. Il a travaillé beaucoup aux États-Unis aussi. Puis il est revenu. Puis ça, c'était je ne sais pas, il y avait un concours, puis il avait écrit ça avec son chum, là, qui avait écrit les paroles... Pour le Haut-Canada. Pour le Haut-Canada, avait... Mais ouais. Ça, puis c'était pour fêter les Québécois, finalement. Oui, c'était pour fêter les Québécois. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Nous, on a oublié ça. C'est quasiment une insulte, maintenant, de chanter, surtout un 24 juin. Et les Anglais l'ont pris bien personnel, puis ils sont donc contents de chanter ça en anglais. C'est drôle, hein? Et il n'y avait pas de parole anglaise au départ. Non, ça a été fait plus tard. Plus tard, ouais. Et ça a même été, je pense, en 1980. Ils ont dit, c'est notre hymne national, Annie. Oui, ça va être ça. Très tard, là. En 1980, ils ont dit, OK, ça devient l'hymne national canadien. Mais c'est une version espagnole. J'ai failli dire. Mexicaine. Le prépuce? J'ai failli dire le prépuce, mais tu peux pas dire ça. Oui, mais... Il y a des gens devant nous qui nous connaissent. Oui, mais c'est mes amis. On se connaît depuis 20 ans. Tu sais, regarde, ils sont magnifiques. Ils ont l'air d'avoir 24 ans. Ils sont tellement polis, tu vois. Ils nous jugent pas. Non. Ben, peut-être un petit peu intérieurement, mais avec plein d'amour. Mais ça paraît pas, parce qu'il sourit. Il sourit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chanter le Haut-Canada en mariachi, un 24 juin? Ouh! C'est rendu une tradition avec M. Labrèche. Ah oui, c'est formidable. C'est ça, ah, hein? Ouais. Ah, et vous autres, vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Hein? Vous est-ce qu'on branché sur le cosmos. Peut... Ah oui, non, ils sont vraiment... Est-ce qu'on peut se l'écouter, puis se l'entendre, puis se l'ouïr? Bien sûr. Ah, c'est trop formidable. Le vrai... OK, bonne fête, Québec. Le vrai... Ben oui, bonne fête, Québec. Oui. Par vous, c'est très touchant. C'est une chanson, moi, qui me... C'est un peu indifférente. Bien, indifférente ou un petit peu... Un petit peu en crise. Je le dirai pas, mais je... Un petit peu en crise. Mais vous, c'est vraiment... C'est du miel dans nos oreilles. Mais vous, devriez chanter tous les 24 juin dans ma cour. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Arrivederci. Non, voyons. Hasta luego. Anne et Marc retournent au salon. Sur la table rapportée d'un inoubliable voyage à Marrakech, les verres de Chablis ont été remplacés par des cervezas bien fraîches et les chips à la lime par des tortillas très salées. T'as-tu des beaux souvenirs, toi, d'été? Ben, t'aimes-tu l'été? Oh, oui, j'adore l'été. T'aimais ça quand t'étais petit, hein? C'était les vacances, Ben oui, c'est certain. Puis généralement, c'est là que je voyais mes parents plus, parce que j'étais pensionnaire. Alors, tu sais, l'été, Mais non, mais c'est correct, là, tu sais, je dis, j'ai pas... Ben non, mais j'ai pas si tant souffert. Sauf que eux autres, ils étaient occupés, puis qu'ils m'envoyaient dans des camps de vacances l'été. Fait que t'y voyais pas l'année, puis t'y voyais finalement, pas l'été. Je me disais, je vais y voir cet été, mais finalement, je les voyais pas beaucoup. Je voyais pas. Ben, j'allais à la ferme d'André. C'était un été de merde. C'était un camp où il y avait des animaux. C'était un camp d'animaux. Ah oui. Puis André, c'était le fermier. Ah. Fait qu'on habitait dans une maison de ferme. Avec des enfants mélangés qui viennent d'ailleurs. Enfants, puis tu faisais-tu des amis un peu? Ben, pas vraiment, non, parce que, tu sais, on travaillait dur à la ferme. Des camps. C'était bien dur. Fait que là, on se levait le matin, puis là, on était en ligne, en rang, pour avaler une cuillerée d'huile de foie de morue. Arc! C'est dégueulasse. C'est de la... C'est vraiment dégueulasse. Tu allais dire autre chose, mais je l'ai bien entendu. Tu l'as entendu? Oui, fait que là, j'étais comme... Oui, dans la cuisine, du rang, là. Puis là, on est tout en... Tu sais, ça avait l'air des filles de Caleb, là. T'sais, on était tout en rang avec une petite salopette. Puis là, après ça, il s'en allait égorger une poule. C'est Oliver Twist. Ah, ben non! Je te dis. Non, pas dans vos faces. Ah, oui, ben oui. Non! Oui, c'est André. C'est traumatisant, c'était. Non, c'est le fermier André. Le fermier André, c'était ça. Il pognait la poule, il coupait la tête. Puis elle courait comme une poule pas de tête. Comme oui, c'est ça. Exactement, de là, le fameux patois. Puis, on la mangeait le soir. Ça, c'était le... Hein? Il ne laissait pas zigonner un peu? Oui, elle zigonnait. Elle avait zigonné, puis maintenant, elle tombait sur le côté, puis on la mangeait. Puis, il y avait des... Mais il y avait de l'équitation. Oh, tu mangeais de la poule vivante, mm-hmm. presque. Mm-hmm. Presque vivante. Elle n'avait pas le temps de faisander? Non, pas du tout. Puis, elle avait encore sa petite main qui était attachée. Ah! Pas une grippe ça, de poule. Oui, une grippe de poule. Comme chez Martin Picard. Tu sais, Martin Picard, à un moment donné... Oh, je le sais. Puis en France aussi, là, chez les bouchers. Ben oui. Des poules avec pas de tête, mais des griffes de poule. Ben, c'est ça. Puis, on jouait au drapeau. À cheval. Ça, c'est quoi le jeu du drapeau? À cheval? Ouais, ben oui, ça, c'est avec quatre coins. Là. C'est ça, exactement. Mais là, on le fait à deux coins, mettons. Courir deux le tonneaux. Drapeau. C'est ça. Fait que là, tu traverses le manège dehors, okay. évidemment. Puis là, tu ramasses le drapeau. Puis tu avec ton cheval. Avec t'es ton sur cheval. Ton cheval oui, tout oui, le au temps, galop, là. Là, comme Cyril Lafronde. Comme Bonanza. Comme Bonanza. Ouais. Comme Mustang. C'est une belle référence. Salut les milléniaux. Fait que là, puis, à un moment donné, j'adorais ça. Puis j'étais bien compétitif à cheval. Puis je voulais absolument gagner le drapeau. Puis là, à un moment donné, j'ai comme un peu trop poussé mon cheval. Puis il a tourné le coin autour du drapeau. Mais moi, j'ai continué tout droit. Et quoi? J'ai atterri sur la tête et j'ai fait une commotion cérébrale. T'es pas sérieux? Ouais, ouais, mais tu sais, c'est... T'avais-tu une commotion du crâne? Non, j'avais une bombe. J'avais une petite bombe. Ben oui, mais quand même. Mais j'aurais pu me faire... oui. Mais t'aurais pu te shrinker le cou, là. Oui. T'aurais pu comme un oui, slinky, j'aurais pu là. Devenir tout petit. Puis... Mais c'est terrible. Oui. Fait que là, j'ai ouvert les yeux. Puis là, j'ai juste vu mon père courir au ralenti vers moi avec ma mère. Puis c'était-tu dans tes rêves ou c'était la réalité? Ben, c'était la réalité, sauf que j'étais complètement commotionné, fait que j'ai pas vu... Ben oui, tu vois, t'es une fois par été, puis ça a été là. Ça a été là. Ils sont venus me ramasser, ils m'ont ramené jusqu'à la clôture, puis on dit « ça va-tu bien? » Puis c'était ça. Je me souviens que la famille de mon père, ils avaient loué un chalet au bord du lac Champlain, j'étais toute petite. Puis c'était le soir, il y avait comme ben, tous mes cousins étaient là, nanan. Puis à un moment donné, je sens que mon pied est bizarre. C'est comme si ça fait cloc, cloc, cloc. Je me souviens. Je regarde mon pied, puis il y a un gros bout de 2x4 avec un gros clou qui était sorti, puis je me suis rentré le clou dans le pied. C'était avec Jésus-Christ le pied. Ouais. Ben, voyons. Oui, j'ai pilé sur ce petit morceau de 2x4 lequel il y avait un clou rouillé. Ben oui. Et il m'est rentré dans le pied. Ben, voyons. Là, ils m'ont donné une piqûre de tétanos à l'hôpital. Là. Mais tant que je le voyais pas, ça me faisait pas mal. Puis quand je l'ai vu, mais là, tu sais, j'avais 8 ans. Ben, j'ai quasiment vomi sur le pied. Il y avait beaucoup trop de sang, beaucoup trop de marde. Puis une autre fois, j'étais sur une ferme. Oui. Et parce que ma mère, non mais toi aussi, t'as été comme pas mal. Mais nous, on n'avait pas de vacances, on restait à la maison, puis il barrait à la porte, puis il restait dehors. Il restait dehors, puis jouait dehors. Ben oui, c'est correct. Et ma mère, elle partait à New York avec mon père parce qu'elle avait une opération compliquée à son œil. En tout cas, c'était à New York que ça se passait. Alors, elle nous avait fait garder sur une ferme. Mon frère, ma sœur et moi. Et je me souviens qu'il y avait des vaches sur cette ferme. Mon Dieu que ça sentait l'étable. Mon Dieu que ça sentait donc. La vieille vache. Ben oui, ça sent la vieille vache. Caca dans l'étable. Puis il nous donnait du lait chaud. Souper, du lait de vache, là. Ah oui. Du lait de vache qui venait de sortir de son pis. Oui. Puis c'était chaud, puis il y avait de la mousse. Orque. Ah, je me souviens encore de ça. Je me souviens de l'odeur du lait d'étable, de qui ça sentait le foin, puis peut-être du gros gras, puis c'était chaud. Puis ça goûtait le gros pis de vache. Ah oui. Et que j'haïssais ça. Ben oui, c'est comme chez Gildor, c'était ça. Nous autres, chez Gildor, Gildor-Roy. Son père qui s'appelait Gildor aussi, était fermier. Mais toi, t'étais à Rigaud? Moi, j'étais à Rigaud. J'étais pensionnaire, mais des fois, j'allais coucher chez la famille Gildor, de Gildor. Parce que Gildor, il n'était pas pensionnaire. Non, lui. Gildor était un résident de Rigaud. Puis, des fois, on était ben chum, puis il disait, viens passer la fin de semaine chez nous. Mais voyons, c'est donc ben drôle, ça. Tu m'as jamais dit ça, non. C'était chum. Fait qu'on était, oui, c'est ça, on a fait toute notre secondaire ensemble, puis, fait que c'est chez ses parents et sa famille, absolument adorable, tout le monde. Je me sentais bien là, puis c'était une vraie famille, puis tout ça. Oui. Sauf qu'on égorgeait le porc les week-ends, quand ah, même. Ah, mon comme, fait Dieu! Oh, égorger le porc? Oh, oui. Ben voyons! Ben oui, un monsieur Gildard, oui, oui. Pas un enfant, quand même. Non, un gros vieux porc sale, là, tu sais, qui a fait ça. Non, mais ça, je veux pas le savoir, mais en même temps, je voudrais que tu répondes à ma question. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont les mettre la tête en bas puis ils vont les éventrer? Oui, réponds-moi pas, je veux pas le savoir. Ben là, OK. Non, je l'ai pas su. C'est pas ça la réalité. Non, on peut parler. Moi, je vis dans un monde de rêve. Ben oui, ben c'est ça. Il y a et je mangerai plus aussi de porc. Ouais. Mais ils l'ont accroché par les pattes d'en arrière. Pour puis il vivait encore. Non. Il était comme, il venait d'être trucidé, puis ils mettent la brouette en dessous, puis c'était le père de Gildard qui faisait ça, puis Gildard aussi. Puis il avait... faisait du boudin avec le sang qui avait coulé. Ben en fait, c'est pas ça, moi, qui me fascinait tellement que comment ils enlèvent le poil. T'as vu ça? Tous les dimanches, ils faisaient ça. Ils tuaient le cochon. Non, pas tous les dimanches, mais j'ai vu ça une couple de fois, puis en fait, ce qui. C'est parce que quand t'as parlé d'odeur, puis c'est ça que je me souviens, c'est l'odeur. L'odeur quand du tu ouvres cochon. Le porc, là, puis c'est ça, il tue, après ça, il l'accroche, après ça, il enlève le poil, puis là, il devient tout lisse comme un petit poil pelé. Comme un prépuce. Et puis là, oui, comme un petit prépuce, comme ça, comme un prépuce de campagne, là, un prépuce rural qu'il appelle. C'est les fameux prépuces ruraux. Ah, oh, je veux plus manger de viande, je t'ai écœuré. C'est sûr que l'été, c'est pas tout le temps le fun. Non, c'est pas tout le temps le fun. Finalement, j'aille bien ça. Finalement. Hey, si on pouvait la sauter cette saison-là, là, on serait-tu bien? Hey, on est tellement mieux à l'automne. Hey, oui. Confortablement assis dans les fauteuils en cuir capitonné, Anne et Marc grignotent un pita grillé avec un peu de tzatziki. C'est avec un Québécois d'adoption, Athanasios Pitsakidis, qu'ils ont voulu prendre l'apéro. OK, comment on le dit, là? Athanasios. Athanasios. Et vous êtes d'origine grecque. Vous êtes né en Grèce. Mais je vais vous dire, madame... Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Madame, qu'est-ce que j'ai fait que amoureux. Je suis ici? De tomber amoureux. Oui. En 1965, mon bateau... Votre bateau? Venu. Vous travaillez sur un bateau? Oui, j'étais second officier sur le bateau. Bon? Le bateau est venu en Sorel pour charger du blé pour aller après aux Indes, à l'Inde. En Inde. Okay. En Inde. Oui. Alors, je suis sorti du bateau. Pendant que je suis sorti, tout à coup, je vais dans un magasin, acheter des petites affaires de marin. Tout à coup, je tourne ma tête. Il y avait une jolie jeune fille qui regardait à terre. Comme dans un elle, film. Qu'est-ce qu'elle regardait? Ouais. Elle m'a dit qu'elle regardait mes souliers en premier. Ah. C'était ma future femme, Diane. Mais voyons! Ah, ouais. Je vous jure, en 1965. En 1965. J'ai dit, si tourne sa tête, ça veut dire que ça intéresse plus que pour mes souliers. Oui, ben oui, non. Ça se retourne. Alors, la jeune fille, il tourne sa tête. OK. Ah, moi, ça intéresse, j'ai dit. Ouais. Il tourne sa tête. Ça intéresse. Mais... Il est parti. Ben voyons, comment c'est parti? Non, elle est partie parce que moi, je devais retourner sur au bateau. Le bateau. Ben oui, mais tu parles d'une histoire plate. Alors, vous allez courir écoutez, après. C'est un coup d'hasard, vraiment. Mm. Je vais sur le bateau. Mm. Après, j'ai commencé, durant 2 heures, je vous jure, je me promenais à Sorel dans toutes les rues. Dans toutes les rues. Pour trouver, si par hasard, je trouve la fille que j'ai vue. Oui, qui va regarder les choses. Et tout à coup, je vous jure, j'étais pas mal découragé. J'ai dit, je vais retourner sur le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Je vois une jeune fille, la même, qui ouvre la porte pour rentrer dans sa maison. C'est pas vrai. Diane, je vous jure. Écoute. Eh mon Dieu, le destin, c'est non, mais l'hasard, qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Parce que si j'avais retourné au bateau tout de suite, ben oui. Je ne verrais plus. Mais non. Et votre vie aurait été changée. Oh! Mais vous, est-ce que vous parliez français à ce moment-là? Pas du tout. En anglais. Vous parliez anglais. L'anglais des marins. L'anglais de marin. L'anglais de marin. Ah oui. L'anglais de marin. Et elle, à Sorel, est-ce qu'elle parlait anglais? De marin. Parce qu'au Québec, dans ces années-là, les gens étaient francophones, ils parlaient juste français. Diane aussi, elle parlait un peu d'anglais. Un petit peu d'anglais. Alors, il était, comme dit, complète. Il était les deux côtés. Et durant 4 ans, j'avais une correspondance en anglais le demandeur avec Diane. Oui, durant 4 ans. Pendant 4 ans. Où le bateau est allé, plusieurs endroits, je l'ai envoyé des fleurs. Des Liban. De France, des États-Unis. Je vous dis, oui, les fleurs, les roses. Vous donné des cours à comme, plusieurs Québécois. Oui, je vous dis. Et Diane m'a dit que les lettres, il a gardé toujours sous son oreiller, moi aussi. Et Diane a dit dans les lettres, si tu veux faire une famille avec moi, tu dois abandonner la Marine Marchande. Mais oui, c'est sûr que ça. Marine Marchande, abandonné. Alors là, vous vous êtes marié. Je me suis marié en 1969. Vous avez quel âge quand vous êtes marié? 29 ans. 29 ans. 77 maintenant. OK. Puis là, vous êtes arrivé ici, vous avez vu Diane à 25 ans. Vous avez continué à être marin pendant 4 ans. Oui. À travers le monde. Oui. Vous envoyez des lettres. Lettres. Fleurs, vous, les lettres. Vous lui demandez des fleurs. Vous la demandez en mariage? Oui. OK. Puis là, vous vous mariez à 29 ans. Et là, vous vous installez à Montréal. À Montréal. À Sorel ou à Montréal? Non, à Sorel. À Sorel. Sorel. Bon, Sorel. Sorel. C'est correct, Sorel. C'est moins cher. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais dans l'athlétisme. Oui. J'étais bon athlète. OK. J'étais champion junior de Grèce, mais j'étais plus. Vous étiez champion junior de Grèce en mais athlétisme. Mais ça paraît, mais vous avez juste physiquement. On le voit, vous êtes un sportif, vous êtes élancé, vous êtes mince. Plus tard, non, j'étais plus tôt que ça. J'avais de gros bras, un coup comme ça. Ah oui, okay. Alors, qu'est-ce que ça restait de faire? J'ai fait une application à l'Université de Montréal. J'ai dit, tu vas aller au McGill ou au Montréal? Alors, j'ai choisi Montréal. Pourquoi? Tu vis dans un milieu francophone? Ton pays maintenant, c'est ici. La langue de ta femme qui t'a épousée, c'est français. Respect pour les pays qui vivent parce que la majorité sont francophones. Tu vas aller à l'Université de Montréal, quand même si tu parles une centaine de mots français. Mais vous vous êtes toujours considéré comme étant un Québécois depuis que vous avez... Il n'y a jamais eu doute dans votre esprit, il n'y a jamais... Je vous dis, 100%, 100%, plus que 100%. Mon ami, le physiatre, le médecin m'a dit, c'est tout, 30% des Québécois étaient comme ça, hein. Le Québec se sera il y a longtemps. Oui, c'est ça. Vous êtes indépendantiste. Oui, c'est ça. 100%. Puis vous étiez là, en plus. 100%. Quand... Vive le Québec. Oui, c'est ça, 100%. C'est ça. Puis là, Québec. Vive le Québec. Oui. Les Québécois, c'est un peuple extraordinaire. Oui. Est-ce que vous avez voté, vous, en 76? Mais certainement. Et vous avez voté pour René Lévesque, j'ai voté René Lévesque, mais je suis moi, un petit peu plus à gauche. Je suis Québec solidaire. Ah oui, OK, OK. Ça marche plus avec mes aspirations sociales. Il marche plus. Comme François David qui abandonnait, j'étais triste. Un grand homme comme ça. Mais t'es fatigué. T'es fatigué. Mais est-ce que vous étiez... Manique. Vous aviez une communauté d'amis dans la communauté grecque de Montréal, par exemple? Non, parce que... Vous étiez pas... Je vais vous dire parce que la majorité des Grecs ont des opinions sociales et politiques différentes que moi. Les Grecs, on disait, pour être... les anciens Grecs, parce que... Pour être vraiment un homme complète ou une femme complète, tu dois faire des exercices et tu dois faire des arbres. Les Grecs anciens nous disaient ça, lézard. Le lézard. Oui, lézard. Lézard, ça veut dire lézard. Ah, lézard. Okay, je pensais l'animal. Il fallait que tu fasses le lézard. Il faut que tu fasses l'exercice pour le lézard. Non, mais c'est ça. Tu vois comment je prononce. Non, c'est pas vous. C'est moi. C'est moi qui ai un problème. Non, moi, je fais le lézard. C'est sûr. J'aime ça faire le lézard aussi. Faut développer, c'est ça. Mais pour développer, C'est bonheur de vous rencontrer. Vive le peuple du Québec. Vive le peuple grec. Et vive les Macédoniens, les Québécois nés en Grèce qui sont ici. Comment on dit joyeuse Saint-Jean en grec? Kali yotit ou Aïou Baptisti. Aïous Ioannis ou Baptistis. Baptiste. Aïous Ioannis et Saint Jean le Baptiste. Kali yotit. Kali yotit. Je me dis, dis. Happé par l'euphorie du 24 juin, Marc et Anne savourent un moment de nostalgie québécoise. La fièvre de 76, l'inauguration du métro, et un vieux succès de Dodo et Denise. Hasard ou coïncidence, Joseph, le voisin musicien, et le neighbor Troy passaient par là. Hi, Troy. Oh, yes. Hello again. Oh, Troy. Hey, c'est le retour de Troy that. Et de Joseph. Oh, yes. C'est donc le fun de se retrouver. Eh oui. T'es la Saint-Jean. Mais moi, c'est quoi la place de Troy dans la fête du Québec? En fait, faut c'est un Québécois. Voyons, c'est un Québécois. Troy, Québécois. Sorry, I can't understand. No. Shut up. Come on. Hey. Not speak quite here enough, jungle. Oh, the jungle. Diggaloo. Tu parles anglais? Oh, yeah. Diggaloo, Troy. Okay. She, yeah. Mais demain nous appartient. Ouais, c'est Stéphane Venn, puisqu'on va la chanter. Ah oui, ben oui. C'est la Saint-Jean. Mais oui, c'est Stéphane Venn qui l'avait composé. Vous autres, ça vous dit rien, parce que vous n'étiez pas nés, là. Mais Stéphane Venn, il était très, très hot. Et il avait écrit cette chanson, Demain nous appartient, pour le Mouvement des Jardins, pour une publicité. Puis, je sais pas, il trouvait ça trop. Et comme c'était les élections de 76 qui s'en venaient, le Parti québécois, il l'a proposé au Parti québécois. Puis, eux autres, ils étaient tellement contents. Ça peut-tu faire plus Parti québécois que... Ben que, non, que c'est comme... Qu'est-ce que tu veux? Parce que ça a été refusé par Desjardins, que c'est devenu l'hymne du Parti québécois. Et Mordecai Richler, quand il a entendu ça aux élections, il nous a traités de nazis, encore une fois. Ouais. Parce qu'il trouvait qu'il y avait des ressemblances avec une chanson de cabaret. Ah oui. Sur le nazisme, ouais. Et Erwin Cutler, qui s'appelait-il l'ancien ministre? Il était-tu à la justice, lui? Oh boy, avec Paul Martin, c'était un libéral, là. OK, d'accord. Et qui était enseignant à McGill à ce moment-là, puis il avait écrit une lettre avec... À Mordecai? Avec Mordecai pour dire que c'était dégueulasse, puis qu'on était tous des nazis. Ah, toi, ouais. Troy, tu n'as jamais pensé qu'on était nazis? Jamais. Hey, on est tellement... J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Fait qu'on on le fait-tu? On pourrait se l'essayer. On le sait. Mais c'est juste une petite histoire, parce que moi, ça m'a saisi entendu ça. J'en revenais pas. Mais moi, quand j'ai entendu aussi, je suis resté vraiment surpris. Il y a quelque chose de tellement propagande là-dedans, trouvez-vous? Ben, le pays qu'il nous faut, oui, mais c'était en 60, t'étais pas né. Hey, moi, je travaillais. C'était la langue. Je n'étais même pas. J'étais tout petit, moi. Puis je travaillais au bureau de Denis Vaugeois à Trois-Rivières. C'est vrai, toi, tu travaillais chez Denis. Oui, j'étais réceptionnée. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais 14 ans, 15 ans. Puis, ouais, il m'avait engagé gratos. Puis, qu'est-ce que tu répondais? Comment tu répondais? Parti québécois, bonjour. Bureau de Denis Vaugeois, bonjour. Bureau de Denis Vaugeois, bonjour. Ah, oui. Ah, oui. Puis, des fois, quand je comprenais plus rien, je raccrochais. Parce qu'il y avait trop de pitons. Ah. Puis, je disais, ah, je vous le passe. Puis là, je raccrochais les pitons, puis ça raccrochait. Ça raccrochait. Puis, ça rappelait, puis là, je répondais pas parce que j'étais trop gênée. Ben oui. Mais c'est ça, mais j'étais pas payée. Puis, évidemment. T'étais pas payée? Comment ben non, ben j'étais une étudiante, c'était du bénévolat. Ah, OK, c'est comme un stage. Ouais, je me promenais avec mon drapeau du Québec dans le cours d'histoire en secondaire. Sur tes épaules? Oui. Un grand drapeau? Sur tes épaules? Un gros drapeau, oui. José, terre et des villes, revenez chez vous, car vos terres et vos villes ont besoin de vous. Ensemble, on peut le faire, le pays qu'il nous faut, quand comme le grand air est fort comme l'eau. Les années de silence, on les remplacera par des chants et des danses qu'on inventera. Le temps de l'impuissance ne reviendra jamais, car notre temps commence aujourd'hui pour vrai. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, si vraiment on y tient. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, si vraiment on y tient. Oh, il fait beau dans le métro. Tout le monde est gai, tout le monde a le cœur au soleil. Il fait beau dans le métro, plus ça va vite, plus il fait beau dans nos oreilles. Il fait beau dans le métro, y a du ciel bleu dans les yeux contents de tout le monde. Il fait beau dans le métro, car aujourd'hui notre métro c'est le plus beau du monde. Il fait beau dans le métro, et dans l'autobus c'est son petit frère. Il fait beau dans le métro, et l'autobus, peux-tu en dire autant dans ton auto? Ah, ah, ah, ah, ah. Il fait beau dans le métro. Notre métro, c'est le plus joyeux. Et comme il chante, c'est tant mieux. Vive le métro. Et l'autobus. Oui. Il fait beau dans le métro. J'aime assez ça, faire ça. Ah, si, c'est comme Abbey Road. Oui! Laid comme qu'elle est, avec un chapeau comme qu'elle a. Carise dans d'elle avant carise des autres. Laid comme qu'elle est, avec un chapeau comme qu'elle a. Carise dans d'elle avant carise des autres. Elle rit des filles à mini-jupes. Hey. Des coquillons, les cheveux lents. Laid comme qu'elle est, avec un chapeau comme qu'elle a. Carise dans d'elle avant carise des autres. Yeah. Laid comme qu'elle est, avec un chapeau comme qu'elle a. Carise dans d'elle avant carise des autres. Nous autres on s'habille à la mode, yeah. Et on est toujours dans le vin. Y'a des gens qui rient de tout le monde, yeah, qui devraient en faire autant. Laid comme qu'elle est, avec un chapeau comme qu'elle a. Carise dans d'elle avant carise des autres. Yeah. Laid comme qu'elle est, avec un chapeau comme qu'elle a. Carise dans d'elle avant carise des autres. Miaou. Miaou. On a fait la fête. Là, on l'a rencontré, salut. Et là, pas fait sa fraîche comme un vrai pichou. Ouais, fait peur aux oiseaux. Face de pète. Grosse. Fafolle. Je peux pas le dire. Ben non. Je peux pas le dire parce que j'ai trop peur que le mur. Les murs ont des oreilles des fois. Puis oui, oui. J'aurais dit quelque chose de vulgaire, mais ça me ressemble tellement pas. Ben non, c'est pas toi ça. Toi non plus. Je vais juste aller fermer les fenêtres du balcon. La curiosité d'Anne et Marc ne connaît pas de frontières. En ce jour de fête nationale, il souhaite s'initier au Pow-Wow, la plus vieille des fêtes d'Amérique du Nord. Sarah et Aroussen entrent dans le salon. Elles portent le régalia, leur habit des grands jours. Sous l'œil intrigué des deux amis, elles allument de la sauge et s'aspergent de fumée. Là, on fait une cérémonie en fait, de purification. Ça, c'est la sauge. Mais la sauge, ça, c'est fin d'odeur. La sauge, il n'y a aucun négatif qui peut rester dans la pièce. Donc, okay. S'il y a des mauvais esprits ou whatever, ça s'en va. C'est plus fort que tout. Mais veux-tu me le donner? Et ça, vous l'avez vérifié? C'est quelque chose que vous... On le sent. Parce que juste le week-end dernier, je suis allée faire un atelier avec mon mari, ouais, dans une école de ballet, où c'était un ancien couvent. Oh. On allumait la sauge. Les fenêtres se sont ouvertes toutes en même temps. Bang! Hein? J'ai dit, oh mon Dieu, il y a du stock. Il faut qu'il sorte ici. Hein? Puis là, tous les enfants, tout le monde a comme réagi. Puis moi, j'étais comme, non, c'est pas grave. Le méchant, il sort. Ah, ouais? Ouais, c'était assez impressionnant. Toi, tu viens de Wendake. Oui. Toi, t'es Wendat. Oui. Mais pas... Sarah. Oui. Aroussen. Aroussen. Aroussen. Ouais. Et toi, tu viens... De Mashtoyats. Je suis une Pekwagamilnuts, mais ma grand-mère était d'origine Cree. Et mon arrière-grand-mère Cree, elle a été bannie pour s'être sauvée avec cet Irlandais. Et c'est lui qui a adopté le mode de vie. Donc, ils se sont réfugiés dans une communauté Innu, les Pekwagamilnuts, à Mashtoyats, au lac Saint-Jean. Donc, je suis Pekwagamilnuts. Ben, voyons donc. Ouais, donc, c'est ça. Mais moi, depuis tout jeune, c'est ça, c'était... Le monde spirituel était très présent pour moi, mais c'était pas quelque chose qu'on m'a inculqué. Donc, je suis la première de ma famille, depuis les pensionnats, à remarcher dans le chemin rouge. Puis les pow-wow, là, est-ce que ça fait partie du processus de se réhabiliter sa culture, puis de se... C'est ça, c'est ça que vous êtes... Là, vous êtes habillée. Vous avez... En fait, c'est des costumes que vous avez confectionnés. Ça s'appelle régalia. Ouais, t'as dit régalia, bon mot, des habits. C'est des habits. Habits okay. Traditionnels. OK. Surtout pas costumes. On se costume pas. Ouais, un costume, okay. C'est à l'Halloween. Okay. Hein. C'est oui, ça. Okay. C'est... Okay. Ça fait partie de notre identité, ouais. Donc c'est pas un costume. Ouais. C'est nos plus beaux habits, en ouais. Fait. Exactement. Que vous faites vous-même. Oui, avec des parures. Souvent, regarde ici, moi, c'est les jetons. Ma grand-mère est décédée, j'avais 2 ans, dans l'incendie de sa maison. Mais le seul héritage que j'ai d'elle, c'est ses jetons des AA. Donc, pour moi, c'était vraiment sûrement quelque chose qu'elle chérissait. Puis fait que j'en ai fait des bouts d'oreilles. Donc, c'est tu sais, quand je danse, j'en tout ai besoin. Ouais, c'est ouais, ça. Tout donc, dire quelque chose. Ce mode de vie-là aussi, c'est un mode de vie d'être le plus sain possible comme individu sur des valeurs comme l'amour, le courage, l'honnêteté, la vérité, la sagesse. Puis pour toucher tous nos habits, pour fabriquer nos habits, on doit être... faut pas consommer d'alcool. Il faut vraiment... faut pas non plus être dans nos lunes, qui est nos périodes. Okay. Ouais, parce que là, on a notre... on est purifié déjà. Ah ouais, c'est donc ça. Donc là, présentement, moi, ça fait 3 ans que je suis en cheminement pour faire ma robe clochette. Et puis... C'est la robe de guérison. Ça, c'est la robe de guérison. Quand il y a des petites clochettes, c'est pour la guérison. Ouais, Donc, ça sert à guérir, à aider quelqu'un autour à guérir. Exactement. Ouais. Chaque clochette, c'est une journée de l'année. Donc, dans chaque clochette, j'ai mis une prière. Tu as 365 clochettes sur toi, là, en ce moment. Exactement. OK. Donc, dans chacune, il y a une prière. Je prie pour la personne, ou je prie pour la terre-mère, ou je prie pour les eaux, ou je prie pour les poissons, pour les animaux. Puis, je l'installe sur ma robe. Quand je vais danser avec elle, le son de mes clochettes vont faire aller toutes mes prières au Créateur. C'est ça, la danseuse clochette. OK. Mais qui décide que vous devenez une danseuse clochette? Est-ce que c'est le Créateur? Mais... Puis comment ça se manifeste? Moi, c'était dans un rêve. Ah ouais? Moi, c'est comme ça que je reçois mes messages. J'ai rêvé. Puis j'étais dans une clochette. Puis j'avais la couleur, j'avais tous les détails. Puis je me suis réveillée le lendemain, puis c'était comme, faut que je fasse ma clochette. C'est la robe que tu portes. Et c'est la robe que je porte. Aujourd'hui, que tu as faite à partir du rêve que tu as fait. Exactement, mais tu te réveilles avec ce sentiment-là là, qu'il faut pas, que tu peux pas faire autre chose. Là. Ouais. C'est ça. Et ça prend combien de temps, combien d'années avant de devenir... En fait, moi, ça m'a pris 1 an l'affaire. La robe, mais... Juste la construire. Mais s'approprier la danse, ça peut être toute une vie. Oui, c'est ça. Ah oui, donc on n'est jamais... On n'est jamais arrivé totalement. Puis ma robe ne sera jamais terminée non plus. Puis... C'est ça qu'on voulait savoir aussi. Qu'est-ce que c'est le pow-wow? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la signification? Pourquoi? Parce que de nos yeux. Pour vous, c'est quoi un pow-wow? C'est une fête. Oui, c'est un gros party. C'est une fois par année pour fêter la nouvelle lune, le soleil. Pour nous, c'est une cérémonie sacrée aussi. Mm-hmm. C'est dans chaque nation un week-end par année. OK, c'est juste un week-end, mais c'est tout le week-end. C'est tout le week-end. Donc, comme à Wendake, que je vous invite fortement à venir. Mm-hmm. Parce qu'on a le droit, on pourrait y aller. Oui. Vous avez tellement le droit. On veut que vous veniez à notre rencontre parce qu'on veut vous montrer notre fierté, notre beauté, tout ce qu'on a à partager. Tout le côté positif qu'on ne voit pas nécessairement aux nouvelles. C'est ça. Positif, c'est juste qu'on ne se connaît pas. Exact. Puis nous, on veut juste ça. Que vous veniez à notre rencontre pour vous montrer notre richesse. On va-tu y aller? Puis c'est le 30 juin, 1er et 2 juillet à Wendake. Comment ça fonctionne? En fait, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent. Hein? À Wendake, l'année passée, il y a eu 10 000 visiteurs. Mais ils viennent quoi? Ils vous observent pendant le power? Ils nous admirent, c'est ça qu'ils font. Mais est-ce qu'ils peuvent participer? Est-ce que vous allez leur montrer comment? En fait, on les invite. On leur dit, là, intertribal, tout le monde, venez danser avec nous, venez partager avec nos danseurs. Ouais. Et là, vous venez, puis on danse tous ensemble en cercle. Et ça s'est toujours passé comme ça? Jusqu'à preuve du compte, est-ce que ça a évolué beaucoup? Est-ce que ça a changé la façon que vous avez de faire ces danses-là, leur signification par rapport à ce que tu viens de raconter, par exemple? Ça allait changer un point que dans les années 1950, c'était interdit pratiquer les cérémonies, même jusqu'à pourquoi la tente. Pourquoi c'était interdit? Parce qu'on avait interdit, on voulait vraiment... par les autorités blanches, c'est ça, mais c'est pas les communautés. Non, on le faisait en cachette. Et sous peine d'emprisonnement. Donc, aujourd'hui, on se réapproprie. Certaines nations vont dire, on l'entend beaucoup aussi, ils vont dire, ça vient pas d'ici, ça, donc ça vient peut-être plus de l'Ouest canadien. Moi, j'ai pour mon dire que toutes les nations dansaient, toutes les nations utilisaient le tambour. Chez les Atikamekw, avant, le hand drum, moi, toi, tu joues du hand drum, moi aussi, mm-hmm. je joue du hand drum. C'est une façon de communiquer. Le son du tambour, c'est le, mm-hmm. c'est le battement de la terre. Et puis, les femmes n'avaient pas le droit de jouer chez les Atikamekw à une certaine époque. Et les femmes ont repris ce droit pour relever leurs hommes qui étaient mal en point. Donc, aujourd'hui, les femmes vont reprendre ces chants-là. Ils vont jouer, ils vont se réapproprier leur... Mais pourquoi ils n'avaient pas le droit? C'est leur propre communauté. C'est les hommes qui avaient décidé que les femmes n'avaient pas le droit? Dans les Pawas reste encore un monde un peu conservateur. Il y a des choses qui sont en train de changer. Les jeunes qui vont... C'est comme dans toute autre nation, si je pourrais dire, culture. Comme chez les Wendat, la femme ne touchait pas au tabac. C'était l'homme qui plantait la graine. C'était l'homme qui s'occupait du tabac. La femme s'occupait des champs de maïs. Ben encore aujourd'hui, c'est pareil. C'est Bryce, mon mari, qui va faire pousser le tabac Wendat. Puis moi, j'y touche pas, j'y donne même pas d'eau. Je respecte cette tradition-là, tout simplement. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce sont des traditions qui sont en danger avec les générations plus jeunes? Au contraire? Au contraire, on est en train là, d'allumer un feu. Parce que tout ce qu'on entend, c'est terrible. Incroyable. On entend toujours ces problèmes d'alcoolisme aussi chez les très jeunes. Puis c'est un problème qui existe, effectivement. Mais on parle pas de ces jeunes, justement, qui se raccrochent à... Moi, je vois au contraire que de plus en plus les jeunes de ma nation, je parle pour ma nation Wendake, sont de plus en plus intéressés à leur culture. C'est des jeunes qui vont m'arrêter. Est-ce que tu pourrais me montrer à danser? Est-ce que je sens l'intérêt vraiment de plus en plus fort, puis je suis fière de ça. Puis on voyage de Pawa ensemble. Donc, dans nos photos sur Facebook où on le diffuse, ça allume aussi nos enfants, nos générations futures à vouloir se joindre à ça parce que nous, on va chercher vraiment du bonheur pur. Moi, je me suis cherchée à l'adolescence. J'ai dit, bon, qui je suis là, dans mes origines, étant métissée, tout ça. Je savais depuis l'enfance que j'avais été élevée sur la communauté, qui était un milieu où, à l'intérieur de la communauté, tu étais trop pâle. À l'extérieur, tu étais trop indienne. Donc, tu es qui là-dedans? Puis, à un moment donné, j'ai dit, je sais, moi, je suis sauvage. Donc, je suis très fière de l'être. Mais ça a été vraiment, au décès de mon frère, au lieu de sombrer dans la noirceur, j'ai dit, je vais faire de ça quelque chose de positif. Puis j'ai dansé pour lui les premières années. Puis après, j'ai dansé pour plein d'autres gens. Là. Puis c'était un moment de prière. Quand on danse, on doit dire qu'on n'est complètement plus là. Les spectateurs, on ne les voit plus. On est... Ouais. Donc là, moi et Sarah, on va vous faire une petite présentation sur le groupe Black Bear. OK. Qui est un groupe que vous connaissez, qui fait la musique... Qu'on adore. OK, fait que là, donc, on va entendre les 365 clochettes de ta robe teintées pendant ta danse. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais envoyer mes 365 prières en dansant. Et je pense que je vais avoir 367 clochettes quand je vais sortir d'ici, parce que je vais vous demander de chacun faire une prière que je vais mettre sur ma robe. Donc, je vais prier pour vous durant mes powwows puis durant le temps que je vais porter ma robe. C'est donc bien extraordinaire. Voyons. C'est donc bien souffert. Alors, si tu portes ta robe toute ta vie, je vais porter nos prières toute ma vie. C'est avec charmant, honneur. Ça. Vraiment. Ben, écoute, l'honneur est pour nous. C'est formidable. Voyons donc. Black Bear. Vous devez être lessivé. Vous devez être tellement fatigué après. Ouais, en fait, ça nous remplit d'énergie. Oui, oui, comme quand on fait de fierté, de joie. Mais c'est ça qu'on va chercher dans les powwows. Oui, mais il y a comme une signification, il y a comme quelque chose qu'il faut apprivoiser aussi, comme spectateur. C'est pour ça que j'irais pas me mêler à vous puis danser. Je me sentirais vraiment C'est partie remise parce mal à l'aise. Un powwow, t'auras pas le choix, tu vas être afflé. Il faut que tout le monde, au son des tambours. Ouais. Tout le monde est bienvenu. Il y a même un chant pour les gens, je pense, comme Marc, qui s'appelle le Wannabe. Oui. C'est très rare. Le Wannabe. Alors, c'est pour nous. Un moment où... We acknowledge, on reconnaît l'esprit d'un danseur qui n'est pas en régalia et on lui offre de porter un régalia Donc, il va avoir son moment de gloire. Il y a aussi des switches où les hommes et les femmes vont s'échanger leur régalia et leur style de danse. Quand je disais qu'on aimait rire, c'est un peu c'est cette façon-là. Après cette danse envoûtante, c'est au tour de Marc et Anne d'avoir envie de bouger. Jeu d'été. On va jouer au jeu. On va jouer. Oui. Faire des mimes. Faire des mimes. Mais c'était ça, It's Your Move, toi, quand t'étais petit. Si je suis au move. Non, It's Your Move. Ah, It's Your Move. Tu sais, il y avait au Canal. J'ai compris, It's Your Move. D'abord, puis après, It's Your Move. It's Your Move. Mais c'est comme It's Your Move, oui. It's Your Move. Oui, on a joué à ça. Ça mime, comme Fais-moi un dessin. Quand on se mettait à mimer. Fais-moi un dessin. Ça, j'ai joué à ça. Toujours avec mon père, Gaétan. Ah, oui. Oui. Vous étiez allé. Il me semble que tu me l'avais raconté. Oui, je te l'avais raconté, ça. On était allé à faire un dessin avec Yves Corbeil. Il était en tabarnak. Ah, c'est ça, hein? Il était furieux. Il voulait pas aller là. Mais... Il aime pas ça, les jeux. Non, il aime pas jouer. Puis il aimait pas dessiner. Puis il fallait dessiner des proverbes. Puis Yves Corbeil, il disait, vas-y, Gaétan, t'es capable, t'as du fun. Gaétan, t'es ici pour avoir du fun. Puis là, il m'a dit, il s'est choqué, puis il a dit, Yves Corbeil, c'est pas toi qui vas me dire quand est-ce que je vais avoir du fun dans la vie, puis quand est-ce que je n'aurai pas. Mais il y avait un peu raison. Il s'est levé, puis il est parti. Fait que j'ai fini l'émission avec le gardien de sécurité de TVA. Jouais à la place de ton père. Oui. Qui entre le deuxième puis le troisième bloc, quand on est revenu en onde, c'était l'agent de sécurité qui était à côté de moi. Puis Yves Corbeil qui dit, on a un nouveau joueur avec nous, Gaétan a dû nous quitter. Ben voyons! Oui, puis je jouais avec Roland Thérien. Avez-vous gagné? Je me souviens plus du score, j'étais un peu tétanisé puis traumatisé. Je trouvais ça bizarre comme fin de journée. Mais gardien de sécurité. Oui. On va remettre ça, on va jouer. On va remettre ça. Hey, on joue. Veux-tu commencer? C'est des expressions québécoises que... Ah, des expressions québécoises. Oui, c'est des expressions québécoises. On a un beau tas, hein? Oui, que on j'ai demandé. On pige, puis bing-boing. C'est ça. Fait que j'ai demandé à mes cousins qui adorent jouer à ça le jour de la Saint-Jean de nous préparer des... des expressions québécoises pour jouer à It's Your Move. Okay. Fait qu'on a une minute chaque. C'est comme ça que mes cousins jouent. Oui. 3, 2, 1, go. OK, c'est parti. Il est debout. Trou de cul. Voyons. Okay. Trou de cul. J'ai le trou de cul en dessous du bras. Exactement. OK. C'est très bon. C'est vas-y. À mon tour. OK. ça, c'est sûr que. Ben oui. Le. Combien de mots? Ben, en fait, c'était deux importants avec une petite affaire entre les deux. OK. Là. Un trotte-minou. Un pet de serre. Qu'est-ce que ça fait? Une cabane? Une selle? Un bois, là. Un bois? Une hutte? Dans un igloo? Non. Forcé? Quand tu fais caca, là. Oui. Dans la forêt. Ah, dans une... un canard? Non, dans la forêt, dans un bois. Oui. Tu sais, quand une petite cabane fait... Ah oui, aller à Bécosse? Va pas à Bécosse? Mais c'est qui? Ou faut ton petit boss de Bécosse? Oui! Le boss de Bécosse! Mon Dieu! Seigneur, ça a été long, excuse-moi. Moi, si je pouvais pas parler, je sais pas comment je ferais pour mimer. Oh! OK, j'en ai un. OK, c'est... Quatre mots. Ouais. Mots. Pas facile. Elle est pas facile, non. Oh, gros. Oh boy. Voyons, c'est un sumo, un gros tailleur. Là, tu te pognes le ventre. Un tailleur, un gros suif, un gros tas de marde. Ouch! Qu'est-ce que tu manges? Tu manges une beurrée de beurre de pinot? Du suif, un pain, du beurre. Du beurré de beurre. Non. Voyons. La plotte à terre. Non. Il est tout écartillé. Ben oui, mais je suis pas comment t'animer autrement. Qu'est-ce que j'en prends un autre. C'était spogner le beigne. Ah, spogner le beigne. Ah oui, mais c'était dur à mimer. Ben oui, un beigne. Hey, OK. Et ça, c'est une expression que j'ai jamais entendue. Oh boy, ça, c'est difficile. C'est une phrase. C'est très long. Oh. Non, je fais des bruits, mais c'est du mime quand même. Oui. Mais je vois pas ce que tu fais. Tu fais de la crème à gâteau. Tu fais du Dunkin' Hines. J'ai vu. Je mettais de la moutarde dans un hot dog. Ça, mais c'est pas ça. C'est ben, pas j'essayais. Ça. Mais c'est bien mauvais. Mais okay. Ça... Un Y. Trempe ta liche. Oh, hein? Comment? C'est quoi cette phrase-là? Ça, c'est combien de mots? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mots. Ben, c'est bien trop compliqué. OK, une petite boîte. Boîte. Ça, c'est... À la fin. À la fin. À la fin, une boîte. Tu as arrêté puis fermé ta boîte. Mou comme... Mou, désarticulé. Pantin. Non. Pourquoi tu fais ça? J'essaie de faire le contraire de quelque chose. OK, quelqu'un qui est raide? Non. Quelqu'un qui est fou raide? Qui est fou raide comme dans une boîte? Non. Ah, je t'aboute. Oui. C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. C'est inimable. Inimable. J'essayais de faire un pogo. J'ai commencé par un hot dog. Je l'ai même pas trouvé. Mais ça valait du de la moutarde. Ça valait du soda dans casse-noisette. Puis après ça, dégelé. Ben, j'ai fait gelé, raide, gelé, dégelé, tout mou. Ah. Mais ça, c'est dans ma tête. Ben, c'est plus beau. Facile dans ma tête que... dis-moi tout. Okay. Cinq mots. Ouais. Avec les articles? Sans cinq mots. Toute l'affaire. Voyons. Je vais te mimer d'abord le général. Le général, OK. Toute la phrase, OK? Oui, de tout. Prends ton gaz égal, là. Calme-toi le pompon. Exactement. Voyons donc. Ben oui. Ben, je suis donc bien bonne. Ben oui, t'es vraiment bonne. Toi aussi, t'es très bonne. T'es vraiment bonne. Il en reste un dernier. Oui. Ah oui. Bon. Bon, ici, là... Ça pue. Ça sent mauvais? Ça plus large, le, c'est ça. Le verbe... Puer, sentir. Oui. Sentir. Sentir, c'est bon. Sentir la chienne à vache. Sentir le... Sens-tu le petit dé? Le petit carré? Le petit dé? Le petit chimpanzé? Sans elle, le petit canard à pattes cassées. Oui! Hey! Oh! Mais normalement, il ne faut pas faire de son hein, quand on fait du vrai mime. Non, mais là, regarde... Moi, je vais toujours par tricher. Oui, oui. Parce que sans ça, on n'y arrive pas, là. Ben, c'est parce que mime, comme Marcel Marceau, là, ça peut être silencieux longtemps. Hein? Puis plate. Ben, tu sais comment est-ce qu'on est? On aime ça faire du bruit? Oui. Bon, c'est fini. Hey, c'était une belle fun, Saint-Jean, ça. Oui. Avant de partir sur un Guy Renault tout l'été, Anne et Marc se font aller la glotte. Les pieds dans le sable blanc, ils marchaient sur la plage. Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âge, qui ne se doutait pas que j'entrerais dans sa vie et que pour moi l'été mettait son cœur en folie. Pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage, en cueillant au bord de l'eau de jolies coquillages. Guidée par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur, et sous le ciel bleu, elle m'a donné tant de bonheur. Que depuis ce temps-là, j'ai le goût de chanter. Le bonheur, c'est la mer. Lorsque se rencontrer sur la plage ensoleillée. Les pieds dans le sable blanc, c'est jamais. En cueillant au bord de l'eau des jolies coquillages, guidées par les toits. Elle m'a donné que depuis ce temps-là, j'ai le goût de chanter. Les pilons, les sables blancs, ils marchaient sur la plage. Ça va, Marc? Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âge. Qui dans sa vie, c'est bon. Pour moi, l'été mettait son cœur en folie. Pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. C'était bon. Bravo, ma. Hey, je l'ai eu dedans en esti. Oh, Christ.